J'ai vu ce qu'ils projettent de faire. Ils sont comme des sauterelles. Ils déplacent leur civilisation de planète en planète. Après avoir consommé toutes les ressources naturelles, ils repartent. L'indépendance Day, l'indépendance Day. Apocalypse moins 3 secondes, c'est leur âge quand sonne le réveil. L'indépendance Day, l'indépendance Day. Caché sous le soleil de Satan, mes soldats veillent. L'indépendance Day, l'indépendance Day. Apocalypse moins 3 secondes, c'est leur âge quand sonne le réveil. L'indépendance Day, l'indépendance Day. Caché sous le soleil de Satan, mes soldats veillent. J'quitte mon milieu naturel, la jungle urbaine qu'importe ma dégaine gêne. J'suis à des années-lumière, j'me sers de mon flair. Mon ombre sombre comme spawn plane sur la ville-lumière. Dans mon repère, une place pour chaque tête, mec comme prophète guerre. J'prends les boys band au boyau, des boys scouts qui me boycottent. Check le scoop, branche ton scope, découvre les yeux des mioches morts. Les sales gosses en la cosse, prennent la sale dope dans le Z. Arrache ta dope de ma zone, j'te fouette à coup de chaîne. Et cache tes pâturages quand vient le prédateur africain. Il reste plus rien de la pauvre chèvre et de ce vieux monsieur Seguin. J'aspire ton atmosphère, pire, j'entends encore tes soupirs comme la veille d'apocalypse. L'apocalypse lève les yeux au ciel, fuir. Mais pour aller optimal, viens à la rencontre de celui qui a cané le troisième type d'un seul coup, mal. Mon trip, c'est le balourd et tes tripes au fond de la trappe, fouap. J'y moyen, les miens se souviendront de cette sale date. L'indépendance Day, l'indépendance Day. Apocalypse moins 3 secondes, c'est leur âge quand sonne le réveil. L'indépendance Day, l'indépendance Day. Caché sous le soleil de Satan, mes soldats veillent. L'indépendance Day, l'indépendance Day. Apocalypse moins 3 secondes, c'est leur âge quand sonne le réveil. L'indépendance Day, l'indépendance Day. Caché sous le soleil de Satan, mes soldats veillent. Je sors de mon cocon, un nouveau colon. Sauf que moi, mon nom, c'est pas Christophe Colomb. Mohamed Day, le seul chef de cette flotte en perdition. Dans ma caravelle, cherche pas d'épices, mais le corps des M6 qui gisent à fond de calme pour cette expédition. Mon drapeau, la bannière noire du secteur à flotte. Les jeunes nous saillons flippés et nous flattent. Je te fous la pétoche comme mes perles ont foutu jadis aux poches. En foutant une cicatrice sur la joue de la douce frange, j'approche. Alors, papy fait de la résistance, mais leur mioche collabore. Des pseudo-Donavan me craignent, mec, et veulent ma mort. Me foutre en zone 51, écoute ce baratin comme un de nos soldats. Échoué jamais, hein. Comme mon sauce l'albino, je dose tes fausses les données. Pour crier nous, pas bouger moi et mes têtes grainées. Des têtes brûlées encore plus fêlées que les hommes sous les ordres de Papy Boynton. Prêt pour les pâtes à y ranger. L'indépendance Day, l'indépendance Day. Apocalypse moins 3 secondes, c'est leur âge quand sonne le réveil. L'indépendance Day, l'indépendance Day. Caché sous le soleil de Satan, mes soldats veillent. L'indépendance Day, l'indépendance Day. Apocalypse moins 3 secondes, c'est leur âge quand sonne le réveil. L'indépendance Day, l'indépendance Day. Caché sous le soleil de Satan, mes soldats veillent. Pas de Mayday, Mayday, pas la peine de chialer. Je suis pas le lieutenant Spock, cette cloque de Captain Kirk viendra pas te sauver. À bord de l'Enterprise, on nique le bénéf. Toujours je te fais bless, laisse et je laisse hasta la vista, baby halas. Je vois déjà sur ta tête se dresser tes dreadlocks. Comme un stressos, place-toi face à moi et d'un seul coup je te boxe. Car y'a pas de place pour toi dans l'hyperespace, là où mes forces décupent, on amasse trop de blé. Harcelé par des Sylvie dans ta spé. Je me méfie d'elle, mais j'en foudrois avec mon rayon Delta. Appelle-moi Seaman, Orko ou bien Chewbacca. Quand j'enfile mon bouse bouse combat, c'est pour la guerre, tiens. Ton sud contre notre nord, une nouvelle guerre de sécession. Rétorque et sors les armes si tu veux perpétuer la tradition. Je viens sauver ton HIP et HOP français comme le Tché l'a fait pour la Bolivie. Donc quitte ton baggy, ton trait ou ton pussy. Ahmed Day te suit. L'indépendance Day, l'indépendance Day. Apocalypse moins 3 secondes, c'est leur âge quand sonne le réveil. L'indépendance Day, l'indépendance Day. Caché sous le soleil de Satan, mes soldats veillent. L'indépendance Day, l'indépendance Day. Apocalypse moins 3 secondes, c'est leur âge quand sonne le réveil. L'indépendance Day, l'indépendance Day. Caché sous le soleil de Satan, mes soldats veillent. Encore une fois, mon secteur a tout fou ça. C'est chaud, et tu le sais. Ahmed Day, Lino, planque-toi, tché. Les gros on te l'avait dit, secteur apocalypse, encore un inédit. L'indépendance Day, on te l'avait prédit, on danse sous une pluie de balles, nique la tendance. Le bal est ouvert, arsenic pousse le tirailleur offense dans toute la France. 98, 99, 2000, 2001, 2002 et tout ce que tu veux. Flexible comme le... Ouais, indépendance Day, indépendance Day. Secteur A, ouais, ouais, indépendance Day. Ouais.